journal, j'ai relu dans mon cœur notre histoire. Et 20h, mon train s'arrête en gare, les gens se pressent au bout du couloir. Te faire l'amour et planer chez toi un jour ou deux. Te faire l'amour comme au temps où nous étions heureux. Boulevard d'une ancienne habitude, la boulangerie vient de fermer. Sous les tilleuls noyés de brume, ta chambre est éclairée. Bien trop mal rasé pour te plaire, je resserre un peu mon manteau. Le doigt encore sur la sonnette, soudain je me sens mal dans.